Thank you. Tu branches tes trucs et ça marche direct. Bah c'est le... Moi je les entends les mecs en fait. Ça, là tu ouais. Les entends là? Ouais. Oh, ah non, j'entends personne. En fait il y a même ton micro qui est allumé. Faudrait arriver à enlever le micro du PC. Je sais pas comment on fait. Voilà, moi... T'as activé le micro? Ouais. Attends, mais là t'as mis une putain. C'est ça? Non mais ça n'a rien à voir avec ça. Alors, ça n'a rien à voir avec ça? Je vais muter pour pas faire chier les autres. Alors, oui, t'entends. Ouais. Okay, micro, faudra le mettre en off. Mais si tu. C'est quoi ça? Ah, ah, ah. Ouais, y'a plus rien. C'est bon. Ah, ah, ah. Si je reviens là. Ah. raison.